pas pipi dans un coin. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Critique-moi si tu peux. Alors, nouvelle saison, ou comme on dit dans le milieu, nouvelle vague. Alors, vague de cinéma, vague de Covid, on sait plus trop. Et du coup, quelques changements pour cette nouvelle vague. Donc, on retrouve deux de nos chroniqueurs favoris à Blois. Donc, bonjour Sylvia. Salut. Bonjour Antoine. Salut Seb. Et puis, comme on parle de nouvelle vague, eh bien, il y a des nouveaux variants. Et le Mika s'est transformé en Pierre. Donc, on accueille le nouveau Pierre. Alors, certains disent, avant que tu dises bonjour, que tu serais plus virulent, plus contaminant. On verra au fil des épisodes. En tout cas, tu remplaces Mika. Bienvenue Pierre. Bah écoute, je connaissais pas ses goûts finalement, vu que j'ai pas pu enregistrer avec lui, mais peut-être que je vais tenir tête aussi bien que lui à Antoine. Je sais pas si c'était lui qui faisait ça ou si Seb était tout seul à jouer ce rôle-là. Alors, je sais pas. Non, il y avait plutôt une opposition de deux binômes. Hein. En général, je faisais team avec Sylvia. Pendant que, voilà, Antoine, ouais, je vais encore Mika, tout seul sur ce coup. On va peut-être se retrouver à 3 contre 1, du coup. Dommage. C'est ça. Mais bon, rien ne dit que Mika ne nous rejoindra pas dans le futur. Alors, nouvelle vague, nouvelle saison et nouveau concept. La saison dernière, il y avait toujours un élément qui liait deux films entre eux. Hein. C'était soit le réalisateur, les acteurs, la musique, peu importe. En tout cas, il y avait toujours un élément commun. Tu veux dire d'un film à un autre, d'un épisode à un autre? Ouais, d'un épisode à un autre, entre deux films, il y avait, par exemple, il fallait prendre le même réalisateur pour le film d'après, ou l'année de sortie. En tout cas, il y avait un petit point commun. Et cette année, il y aura un lien entre nos films, un lien plus abstrait. Et ce qui nous a inspiré, c'est Netflix. Parce que devant la tonne de super productions Netflix depuis 2 ou 3 ans, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire une production similaire. Donc une production Netflix, on s'est aperçu que c'était, on met un nom d'acteur connu, un nom de réalisateur, on met un truc qui a l'air d'avoir bien marché, un concept, on mélange le tout, et hop, on sort une production qui est en général un nouveau succès Netflix. Et ben nous, l'idée, ça sera pareil, celui qui choisit le film du thème, et ben il devra extraire un élément, donc c'est Sylvia qui nous dira aujourd'hui ce qu'elle extraira de son merveilleux film dont on va bientôt parler, et ça fera une base pour le film, et du coup, bah, l'épisode prochain, on prendra un autre élément, et d'ici quelques émissions, on devrait avoir un bon film. Alors, on ne sait pas s'il sera bon, il sera peut-être bien pourri, mais en tout cas, on se dit que potentiellement, on pourra soumettre l'idée. Il va être mal parti, je crois, ce film. Alors, on ne sait pas ce qu'elle va prendre. Même d'un film très mauvais, on peut peut-être extraire quelque chose de potable. En tout cas, voilà, le concept cette année, c'est arriver à faire quelle production on pourrait faire à la Netflix. Et voilà, je pense qu'il faut tous qu'on trouve à chaque fois des films du même niveau que celui de Sylvia pour en tirer qu'un petit bout de bien. Mais par exemple, si Sylvia prend les acteurs de son film, et ben les acteurs, entre guillemets, ça sera fini. Donc on aura les acteurs. Par contre, il faudra peut-être trouver un lieu, une époque, un environnement, un réalisateur, un directeur de la photo, en tout cas. Non, directeur de la photo, on parle de film Netflix, donc il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Du coup, scénario, il n'y a pas besoin non plus. Du coup. Alors, potentiellement, si. Si, sur un post-it. J'ai les post-it devant moi, c'est mon bureau de télétravail. Par exemple, si tu prends Fast and Furious, potentiellement, on pourra reprendre le scénario. Quoi. Donc voilà. Tout ce mal étant dit, on va démarrer l'émission. Et du coup, Sylvia, pour ce premier épisode, a choisi qu'on parle de Sherlock Holmes. J'ai une dernière volonté. J'aimerais voir quelqu'un. Sherlock Holmes. Nous allons entamer tous deux un périple qui altérera l'essence même de la nature. Permettez-moi de vous éclairer. Demain, le monde tel que vous le connaissez finira. Alors, il s'agit de ne pas perdre un instant. Pas vrai ? Cela me change vraiment l'existence d'avoir quelqu'un sur qui compter en toutes circonstances. Toujours un plaisir, Watson. Lord Blackwood. Le témoin déclare avoir vu Lord Blackwood sortir du tombeau. Il va libérer des forces qui changeront le cours du monde. Il est tout aussi brillant que vous, et infiniment plus sournois. Ça, je demande à voir. Donc, Sylvia, donc tu as choisi de nous parler de Sherlock Holmes. Alors, quelques mots avant que tu nous dises pourquoi tu l'as choisi et que tu donnes ton avis. Donc, pour rappel, c'est un film qui a été réalisé par Guy Ritchie, sorti en 2009, avec au casting principalement Robert Downey Jr., Jude Law, Mark Strong et Rachel McAdams. donc qui raconte l'histoire très basique hein, de Sherlock Holmes, qui est contre Lord Blackwood, qui est accusé de magie noire. Il se trouve que ce méchant est très rapidement capturé, condamné à mort. S'ensuit l'ennui de Sherlock Holmes et surtout la résurrection de ce Lord Blackwood, des phénomènes paranormaux qui apparaissent à Londres, et du coup évidemment Sherlock Holmes, qui lui ne croit pas au paranormal, va réouvrir l'enquête avec son pote Watson. Donc voilà en gros, pour résumer brièvement l'histoire. Alors Sylvia, pourquoi Donc alors, pourquoi ce film? Alors pourquoi ce film? Quand on avait discuté du nouveau concept, on avait commencé par dire qu'il nous fallait un acteur bankable. J'ai donc regardé quels étaient les acteurs bankable du moment et en gros j'avais le choix entre The Rock ou Robert Downey Jr. Du coup je me suis dit je vais quand même prendre Robert Downey Jr. peut-être en souvenir d'Ali McBeal et des bonnes séries qu'il avait pu faire. J'avais pas envie de prendre un Marvel et du coup j'ai repensé à Sherlock et j'avais en tête le fait qu'on l'avait vu en ciné et qu'on avait passé un bon moment. Sauf que visiblement celui qu'on avait vu au ciné c'était le 2. C'est seulement hier soir quand on a revu le film que je me suis aperçue que c'était peut-être pas le bon. En tout cas, clairement, le moment n'a pas été aussi bon que dans mon souvenir. Ah, c'est parce qu'on n'était pas là, ça. Ça doit être ça. Mmh, d'accord, merci Sylvia pour ce premier tour d'horizon. Alors, honneur au nouveau venu, Pierre. Pierre, qu'as-tu pensé de ce choix de Sylvia? Enfin, le même souvenir que Sylvia, du coup. On va passer un bon moment, ça sera pas mal, quoi. Et en effet... J'ai eu à peu près la même réaction en me disant, mais en fait, c'est peut-être le 2 qu'on avait vu, parce que je me souvenais qu'il y avait Moriarty, je me souvenais qu'il y a un peu plus de choses. Et j'ai eu malheureusement cette petite déception dans mon visionnage de ce film. Je pense que je l'avais déjà vu à l'époque hein, aussi, je m'en souvenais vaguement, mais il m'avait beaucoup moins marqué, peut-être, que le deuxième film qu'on avait vu ensemble. Voilà, sur le premier avis, c'était quand même une petite déception de ce revisionnage de Sherlock Holmes de 2009. Donc deux déceptions pour démarrer, ça démarre bien. Alors Antoine, donc moi vas-tu confirmer Moi je vous confirme que c'est le 2 qu'on a vu au ciné, parce que à la sortie j'avais râlé en disant que ce film était nul et qu'il y avait une série au même moment qui était diffusée en Angleterre qui était franchement mieux et plus inspirée que le film, et la série c'était Sherlock, donc avec Benedict Cumberbatch. Et en fait, pour le 1, la série n'était pas encore sortie, en fait. Donc c'est le 2 qu'on a vu au ciné. Et je crois, faut que je fasse mon mea culpa, mais je pense que je n'aime pas Sherlock, que ce soit la série ou le film, en fait. J'aime pas le personnage, j'aime pas le concept. Du coup, c'est plus le concept que t'aimes pas plutôt que le film. Ouais, le film, j'aime pas. En tant que film, tu l'as pas non, aimé. Non, en tant que film, je trouve ça un peu nul, en fait. Enfin, Non, après, on en reparlera en détail, mais c'était pour... la fin. Effectivement, j'ai pas aimé le film, je me suis ennuyé. D'ailleurs, on l'a regardé en deux fois, parce que la première fois, on s'endormait. Lors du deuxième visionnage, je me suis rendu compte que, au-delà du film, j'aimais pas le personnage, en fait. D'accord. Alors, bah, pour finir le tour, alors moi, je suis un peu moins dur que vous, malgré tout, parce que moi, j'ai revu le 2. Je peux vous dire que le 2 est pire que le 1. Ah déjà. Merde. Parce que j'avais de l'espoir encore. Ouais, mais non, je vous rassure, le 2, le 2, j'ai pas été au bout. C'est vraiment, le 2, c'est d'un ennui abyssal. On était drogués quand on l'a vu ensemble, du coup. Je sais pas, en tout cas, à l'époque, on était jeunes et naïfs. Non, vous étiez, parce que moi, déjà, à l'époque, j'avais pas aimé. Ce premier, en fait, c'est... Sans être très bon, j'arrive à lui trouver pas mal de qualités. Ouais, je vais y revenir après plus tard en détail. Mais je dirais que si on compare souvent les films avec les repas. C'est vrai qu'on aime bien. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien comparer à repas. Et finalement, là c'est un truc, c'est pas d'une grande qualité, mais malgré tout, c'est pas dégueulasse à regarder. Et il y a plein de soit de bonnes idées, soit de choses qui marchent malgré tout. Et notamment, on en revient au leitmotiv habituel, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est ça, non? Non, mais au-delà de ça, c'est que je trouve malgré tout qu'en étant pas bon, il joue son rôle de divertissement. Et en ça, pour moi, c'est pas si mal, et je trouve que ça tient en grande partie grâce au duo qui fonctionne malgré tout assez bien. Et que, en fait, tu mets un autre duo, le film, il est complètement quelconque, et le duo là est pas si mal. Donc voilà, je serais un peu moins dur que vous, c'est passable. Voilà, les premiers tours de chauffe, tour de table étant fait, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc alors Sylvia, Détaille-nous un peu plus maintenant avec, je sais pas, scène à l'appui. Et puis voilà, lançons le débat, hein, pas forcément l'un après l'autre, mais quand vous dites que vous avez été déçu, du coup, est-ce que par exemple, parce que c'est Guy Ritchie quand même qui a réalisé, donc Guy Ritchie, c'est quand même, ça fait partie des rares noms de réalisateurs qu'en général, quand même, on connaît si on s'intéresse au cinéma. Est-ce que vous avez été déçu de sa réalisation? Est-ce qu'au contraire, vous trouvez qu'on y retrouve sa patte? La patte de Guy Ritchie, je pourrais pas dire ce que c'est exactement. Alors, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, j'ai vu Snatch, et puis c'est tout. Disons que moi, j'ai trouvé, alors, pas trop dans peut-être la réalisation, mais surtout au niveau de la construction du scénario, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui ne voyaient pas pourquoi il nous les montrait, en fait, comme des espèces de gimmicks, par exemple. Bon, ça, il en abuse pas trop, là, le résumé où il dit je vais faire ça. Au ralenti, on voit un combat. C'est les trois scènes bien du film, c'est quand il fait ses petites explications et qu'il y a du bullet time, entre guillemets, où il t'explique tout ce qu'il va faire. Ouais, mais j'arrivais pas à voir comment elle s'insérait dans la narration, en fait. Tu vois, ok, c'est joli à regarder, mais ça sert pas à grand chose, en fait. Pour moi, clairement, si on n'avait pas l'explication avant, après la scène, on va dire vitesse réelle, ça va beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'on. Enfin, on verrait pas du tout ce qu'il nous a expliqué avant. Je pense à la première scène. Je pense que c'est pour te montrer tout le sens de déduction, enfin d'observation et de déduction de Sherlock, parce qu'on sait, enfin Sherlock est censé être quelqu'un qui observe très bien et qui déduit tout juste en regardant les gens quelques secondes. Et ces scènes-là où il t'explique tout ce qu'il va faire, c'est juste parce qu'il a compris qu'il avait en face, qu'il avait à faire et comment maîtriser la personne. Sans abuser de super pouvoirs, de super muscles, des trucs comme ça, ou d'armes à feu, ou je ne sais quoi. Juste, maîtriser la personne en face, la vaincre facilement, juste en donnant 2-3 petits coups là où il faut, et en faisant ce qu'il faut au moment où il faut. Je pense que ces scènes-là, elles servent à montrer les capacités de Sherlock. Alors, est-ce que c'est d'ailleurs, on pourrait débattre, est-ce que c'est l'esprit Sherlock ou pas, j'en sais rien. On pourrait en débattre très longtemps. Moi, je trouve que c'est des scènes qui vont bien dans le film, qui apportent un petit quelque chose. À l'inverse, la scène de Bullet Time que j'ai pas aimée, c'est celle. On peut spoiler, enfin, on peut parler un peu plus du film. Celle où t'as les tonneaux qui explosent, là, où Black Hood, là, qui avait piégé, je sais plus quelle partie, là, il y a des tonneaux qui explosent, ouais, dans tous les sens, scène, et ça, c'est au Bullet plus, Time, et cette scène, t'as rien du tout, parce que t'as elle rien. Elle sert du à rien, tout, je suis d'accord avec toi. À part juste du ralenti. Et là, pour le coup, ça a été du bullet time, juste pour mettre du bullet time sur des scènes, soi-disant, enfin des explosions, quoi. Alors que les scènes de bullet time d'avant, de combat, pour moi, elles étaient bien, quoi. Et il y avait plus, d'intérêt dans l'histoire, alors que celle-là, au final, personne n'est blessé, tout va bien, et c'est juste on a collé 3 explosions dans le film, quoi. Mais c'est comme la scène au début du film où Robert Downey Jr. fait de la boxe. Je ne vois pas ce que ça amène. C'est je vois dans pas sa ce que présentation, c'est... ça. C'est pour qu'on Mais comprenne tout de suite qu'il était vachement fait en déduction. D'autant plus que quand il se bat, après, il se prend des dérouillés par tout le monde, en fait. Donc, j'arrive... Non, mais c'est pour ça que pour moi là c'était le côté je posais la question exprès sur la réalisation parce que finalement moi je ressens à ces moments là que ça permet comme dit Sylvia de la scène va aller trop vite donc en gros il use du prétexte bon qui est un peu tordu de se dire que c'est un personnage qui analyse tout qui est capable de voir parce que le problème c'est que là il voit même dans le futur c'est ça qui me dérange moi avec ça mais dans l'idée de réalisation je trouve que c'est très lui là de montrer des scènes alors soit des fois il change le point de vue soit là il revient en arrière et il change la vitesse. Et du coup, quand tu vois, effectivement, tu comprends rien de ce qui se passe, mais il l'a déjà détaillé, c'est un peu atypique. C'est-à-dire que, pour le coup, on sent qu'il essaye des choses. Après, il utilise le prétexte du personnage qui analyse tout. C'est, moi, je trouve ça limite. Je préfère quand ce personnage analyse au niveau du repas, la bague, un moment, le repas avec la compagne de Watson. Mais effectivement, dans la réalisation, il prend ce parti. C'est pas si mal fait d'anticiper. En gros, il te présente tout ce qui va être fait. Et tu t'aperçois qu'une scène qui te semble longue, finalement, de 30 secondes, bah en fait, c'est 4 secondes, quoi. Je trouve que ça met en exergue un peu, des fois, le détail du cinéma, toi, une scène d'action, un truc comme ça. On sent que là, il se fait plaisir, je trouve, hein, en tant que réalisateur. C'est pour ça que je vous disais, est-ce qu'à un moment, il y a sa patte ? Ça fait partie, pour moi, des scènes un peu où on sent qu'il essaye de mettre sa patte, avec plus ou moins de réussite, en tout cas. Hein, mais En fait, moi, je me demandais si c'était pas aussi pour si c'était pas présent... pour combler un manque de sa part, parce que les scènes d'action, notamment quand ils se battent dans le Parlement, là, vers la fin du film, je les trouve super mal filmées, enfin, on ne sait pas ce qui se passe, enfin, c'est difficile de décrire l'action, Et je me dis, ouais, bah, au final, c'est vrai que ce procédé masquait son fait de ne pas savoir filmer une scène d'action. Je me pose encore la question de savoir si ça amenait quelque chose à la narration, ces scènes-là, à part faire de l'esbrou. Et vous n'avez pas trouvé ce que, quand même, on parle, du coup, on essaye un peu de décortiquer le film, justement, pour voir ce qu'on va en extraire. On verra si Sylvia en extrait ses acteurs bankable seulement. Mais moi, j'ai trouvé, malgré tout, des... Alors, sans être transcendant, mais des angles de caméra assez sympas, où des fois la caméra allait à l'envers, ou alors le reflet d'un truc. C'est-à-dire qu'on sent que, je sais pas, c'est pas juste je pose la caméra et je regarde la scène et je la filme de quatre angles différents, ce qui est une mode hein, maintenant dans tous les films d'action. On met quatre caméras et puis comme ça, l'action, on la filme, on fait des ultra coupures. Là, la lecture, je l'ai trouvé, moi en tout cas, beaucoup plus propre que plein de films d'action beaucoup plus modernes, parce que le film, il a déjà 12 ans maintenant. Et moi, ça, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que je suis un peu moins dur, c'est que je trouve qu'il y a des efforts malgré tout dans la réalisation. Enfin, ça veut pas dire que ça paye, hein, mais en tout cas, on sent que ça aurait pu être plus basique encore, et du coup, encore moins bien. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai eu, quoi. Ouais, moi, je te dis, j'ai pas ressenti ça. Moi, le seul point positif que je mettrais dans le film, alors ça va en faire rire certains, mais c'est la musique. C'est là où j'ai trouvé que le film il était daté, en fait. Mais je dis ça dans le bon sens du terme, c'est que des fois, il y avait des moments de silence, en fait. Il y avait des moments où il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Et genre, maintenant, ça ne se fait plus des silences dans les films. Enfin, maintenant, tu as de la musique tout le long. Et puis, la petite ritournelle qu'on entend, là, elle m'allait très bien, je la trouvais sympa. Alors, j'étais surpris de voir que c'était Hans Zimmer qui avait fait ça. Ouais, c'est toujours un peu le même genre de musique, les Sherlock. Tu trouves des similitudes entre cette musique-là, entre la musique du générique un peu de la série Sherlock. Entre sûrement, j'imagine, les 15 milliards de films de Sherlock qu'il y a eu dans le cinéma depuis le début du cinéma, à peu près. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu récurrent, hein, Sherlock, que ce soit au cinéma ou en série. Et je pense que les dessins animés, je rappelle. Ouais, c'est vrai. Pour moi, la musique reste dans le même genre, justement, et elle n'a rien d'extraordinaire, en fait. Enfin, j'ai l'impression d'entendre ça. Non, mais le terme. Le thème, malgré tout, est un peu plus marquant que. Je veux dire, il y a plein de films, on ne sait pas citer un thème. Je pense que celui-là, le thème, alors sans être... Je veux dire que n'importe quel Marvel random choisi au hasard ou contre sa musique, sans être Pirates des Caraïbes, non mais sans être des Pirates des Caraïbes, c'est une musique qui est... Il y a un thème en tout cas. Maintenant, il y a des films où il n'y a plus de thèmes musicaux. Et sinon, je pense que tu la mets dans un blind test, tu reconnais. Dans un blind test, tu peux la trouver. Ouais, tu peux la reconnaître, ouais. Bah, si on te dit pas si c'est série ou film, tu diras la série Sherlock ou le film Sherlock Holmes, quoi. Oui, c'est ça. Oui, tu sais que c'est un Sherlock. Après, faut tout là trouver lequel et quelle année. Parce que, alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une série là qui sort bientôt ou en ce moment, une nouvelle série Sherlock encore. Puis il y en a une d'ailleurs dans les années 2015, une qui s'appelait Elementary, qui était encore sur Sherlock dans les temps modernes. Oui, enfin, tous les 5-10 ans, il y en a une, quoi. Avec l'actrice qui jouait Watson, Lucy Liu, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais parce que Sherlock, c'est un personnage qui est, entre guillemets, un peu culte. Mais justement, parce qu'il est... C'est peut-être lui qui est bankable, au final. Hey. Alors, déjà, mais surtout... Mais non, mais c'est un peu comme le Batman, c'est le détective ultime, Sherlock, quoi. Donc, il est trop fort. Des personnages... On peut faire 10 000 reboots, quoi. Parce qu'en gros, chacun peut amener sa vision. Et on parlera peut-être un tout petit peu de la série tout à l'heure. Mais justement, cette vision-là... je ne sais pas si vous connaissiez d'autres films Sherlock qu'il y avait eu historiquement, mais y a une nouvelle vision un peu du personnage malgré tout, beaucoup plus action, beaucoup moins finalement posé, et ça vous avez aimé. Je dirais même aimé. Un peu trop action. Du coup, ouais, mais justement, pour moi Sherlock, c'est pas ça pour moi. Mais moi je pense que si j'ai été déçue en voyant ce film, c'est que j'avais plus en mémoire la série, et qu'en fait j'aime beaucoup plus la façon dont c'est traité dans la série au final. Et je pense que ça fait partie de la déception. Après, la deuxième chose qui m'a peut-être perdue aussi, c'est que j'ai eu quand même beaucoup de mal avec les effets spéciaux, qui, je trouve, se voient. Alors, je sais pas si c'est entre guillemets, j'allais dire, je caricature, si c'est volontaire ou pas, parce qu'effectivement, c'est moche. En même temps, il y a un parti pré-artistique. On a l'impression, par exemple, quand ils sont sur le pont, sur le Tower Bridge, c'est super moche, mais c'est tellement moche qu'on pourrait croire que c'est assumé, non ? Enfin, ça vous a pas fait cet effet-là ? Bah, c'est peut-être assumé, mais pour moi, ça me sort du film quand même. Donc, c'est quelque part, c'est loupé. Tu vois, autant dans... Moi, j'ai pensé à OSS, à Rio, là. Quand ils se battent à un moment sur le Jésus-Christ, là. C'était très mal fait. Et je pense que dans OSS, c'était voulu, en fait. Alors que là, je pense pas que ce soit voulu, en fait. La colorimétrie, elle est quand même très bleu-gris. Enfin, moi, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est volontaire ? Mais je suis d'accord, moi, ça a pas marché non plus, mais... J'aurais bien aimé voir un peu plus de couleurs, moi. Oui, parce mais que est-ce blonde, c'est quand même non, un peu gris, couleur tombe. Est-ce que c'est pas un parti pris du coup du réalisateur Si, c'est un parti pris, si, c'est sûr. La colorimétrie, je veux bien le parti pris, mais les effets moches, là, j'ai un doute. Hein. Non, ça, c'est pas un parti pris. Je pense que c'est mal fait. Ou ça vieillit mal après. Je sais pas quand on l'a vu. Ouais, peut-être. Ah, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ça a 12 ans. Hein. Ça peut me dire si c'est mal foutu. J'ai vu Shang-Chi et le truc des 10 anneaux. Le film, il a un an. C'est tout moche. Hein, l'impression de jouer à la PlayStation 3. Hein, donc, c'est pas parce que c'est récent que les effets spéciaux sont bien faits. Mais effectivement, moi aussi, c'est pareil. Je trouve que les effets spéciaux. Sont pas terribles. Et moi, je trouve malgré tout, même si ça marche pas forcément super bien, que c'était original d'amener un Sherlock un peu plus action, quoi. Je trouve que le duo un peu plus, Watson qui se bat et tout, pourquoi pas, c'est une autre vision du personnage qu'on voit pas beaucoup. Moi j'aimais la scène les deux, trois scènes de baston qu'il y a, parce que au final, il arrive à gagner malgré lui, en fait. C'est pas son intelligence, il trouve son arme, là, il se trouve l'espèce de trident, il sait pas comment ça marche. Il l'utilise contre le Golgoth qui, en VO, parle français, alors ça, j'ai pas compris pourquoi aussi. Qui parle mal français, d'ailleurs, en VO. Mal français, hein. Ils ont pris l'acteur qui parlait le mieux le français, et puis on lui dit, hop, toi, tu seras français. C'est pour ça que je comprends pas la scène du début quand on le voit se battre dans une arène, en fait. Parce que là, t'as l'impression que le mec, il est surpuissant, tu sais, il va réussir à chaque combat. Moi, c'est comme ça que je le vois, cette scène, c'est une scène d'intro. Je lui dis, bon, bah, le mec, à la baston, il est surpuissant. Et puis au final, chaque fois qu'il a un combat, il s'en fait mettre plein dessus. Donc, je suis d'accord que c'est pas cohérent. Non, mais c'est clair qu'il n'y a pas une cohérence entre tous ces combats, quoi. Après, moi, là où j'ai un souci avec Sherlock, c'est que... Alors, j'ai pas lu les romans, mais j'ai toujours entendu dire que, en fait, c'était un gros drogué, oui. Sherlock Holmes. Je crois vaguement qu'il a fait la guerre et puis qu'il est obligé de prendre des substances, en fait, pour... Disons qu'il a des traumatismes, quoi. Voilà. Et c'est, en fait, ces traumatismes qui lui font avoir cette espèce de transcendance, en fait, de deviner... même si c'est pareil, il voit de la craie, il dit « Ah, ben, c'est un professeur. » Moi, j'ai du mal avec ce genre de déduction. Mais comme j'avais du mal avec House, la série, là, qui était aussi inspirée de Sherlock, j'ai du mal avec ces personnages-là. Là où, effectivement... Alors, je trouve que le film, il a quelque chose de loupé, c'est que on sait, enfin moi c'est le parti pris que j'ai eu, de me dire qu'il n'y a pas de magie dans ce film, c'est que des explications. Et pour moi, le clou du film, c'était ça, c'était comment est-ce que le Blackwood, là, le Dracula de Londres, allait être capable de monter, voilà, de faire ce qu'il a fait en faisant passer ça pour de la magie. Et j'ai trouvé que la résolution des énigmes était balancée à une vitesse, en fait. Et j'ai trouvé ça dommage, parce que pour moi, ça aurait été... Ça durait 3 minutes à la fin, quoi. Et j'ai trouvé ça vachement dommage, parce que je regarde un Sherlock, et c'est ce qu'il y avait peut-être plus dans la série, c'est que c'est une enquête policière. Et là, tu te retrouves avec un gars qui, alors, il t'explique un peu au début qu'il vit comme un ours chez lui, mais il se retrouve avec un talent, tu sais pas trop pourquoi. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont un peu vidé le personnage de ce qu'il était, ce qui le rendait intéressant. Pour faire un film grand public, hein, c'est ce que c'est, ce film-là. Et on efface toutes les aspérités parce que il faudrait pas choquer. On peut pas faire un personnage principal, on peut pas faire un drogué d'un personnage principal, enfin pas dans un film grand public. Et en enlevant toutes ces aspérités, enfin toutes ces accroches, tout ce creepy, on va dire, et on se retrouve face à quelque chose de lisse. C'est pour ça que moi le film m'a ennuyé, c'est que à part les points d'humour, quand t'enlèves les points d'humour, il n'y a pas grand-chose. Hein, Ouais, mais après, tu vois, si tu prends la série de mémoire, il n'y avait pas non plus de focus sur le fait que Sherlock, il était drogué, et ça n'empêche que la série, elle fonctionne. Donc, ce n'est pas que ça le problème, c'est peut-être une partie. Toi, ce qui te dérange, c'est que ce n'est pas respectueux du livre, mais ce n'est pas ça le problème principal du film. Non, je ne sais pas si c'est pas respectueux du livre, parce que moi, je n'ai pas lu le livre. Non, mais ça, c'est pas grave, à la rigueur. On s'en moque du livre, pour le coup. À la rigueur, le film, il est adapté, pas adapté, on s'en fout. Est-ce que le film en lui-même, là où je suis d'accord avec toi, c'est que le personnage, au sein du film, il n'est pas forcément cohérent. Après, dans le livre qui se drogue et pas là, j'irais, on s'en fout. Ça pourrait faire un bon film même sans qu'il se drogue. Hein. Enfin, Il pourrait avoir un côté, on va dire, un côté sombre. Il l'a, ça, quand même. Oui, mais c'est expédié. Enfin, si tu veux. Mais tout est expédié dans le film. Ouais, peut-être. En fait, je trouve que t'as pas le temps dans un film de développer un personnage comme ça. C'est là-dessus aussi où, à l'époque, en regardant, j'avais de meilleurs souvenirs. Enfin, t'avais des bons souvenirs de Sherlock, surtout grâce à la série. Parce que tu te dis, et ça prouvait en le regardant, que t'as beaucoup plus le temps de développer les personnages complexes que sont Sherlock et Watson dans une série que dans un film, même s'il dure 2 heures. Tu peux pas aller au bout du personnage, enfin tu peux pas aller loin dans le personnage, surtout un personnage aussi personnage est quand même complexe. Enfin, il est quand même complexe, ce personnage de Sherlock. T'as quand même beaucoup de choses dessus. Enfin, le Watson, c'est pareil. Et je trouve qu'en deux heures, là, t'as pas le temps d'avoir grand chose, en fait. T'as pas le temps d'avoir. Enfin, c'est le problème des films de genre. En fait, ils veulent trop en dire, parce que même. Enfin, moi, j'avais oublié ce détail-là. Mais en fait, ils introduisent Moriarty dans le film. Oui. Et en fait, qui a rien à voir avec la choucroute, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, pour le coup, on complexifie le film. Je me souvenais plus de cette scène où bah, ça dans le chariot, ça te vend là... numéro 2, t'as pas ouais, le choix. Ouais, c'est ça. Ouais, mais oui, mais ça te le vend. Là où ça te le ça vend te mal. Quoi. Ouais, mais là où ça te le vend mal, je trouve. Je vais rendre hommage à Marvel pour une fois, moi qui suis anti scène post générique. C'est-à-dire que à la fin, bon, on te dit en gros, ouais, il y a un méchant. Mais sauf que ce qui aurait pu être un peu plus fort, c'est que tu t'aperçois que le mec qui est tombé, qu'on te vend comme le méchant, non, lui-même, finalement, il y a un mec qui tire les ficelles au-dessus, tu dis, oh putain, on s'est fait manipuler, vivement la suite. Là, non, en gros, on te balance. Ça, hein. Mais là, en fait, on te balance, il y a Moriarty, ok. Mais en fait, t'aurais pu avoir une espèce d'intro, quoi. Ça aurait été bien pour lancer le second film. Or là, on te dit, ouais, alors en fait, il y a l'autre gros méchant dont tout le monde a entendu parler, même personne qui a lu le roman a entendu parler de Moriarty. Bon bah ok, mais je trouve qu'il est pas gagné ce rôle là et on te met deux scènes avec lui, enfin que tu vois pas d'ailleurs. Le film veut lancer déjà lancer le film d'après sans effectivement soit avoir pris le parti de dire eh ben le Sherlock Holmes ça sera que de l'action, à la rigueur pourquoi pas, mais là alors non c'est de l'action, mais quand même il enquête, et mais en plus quand même il faut déjà préparer le personnage du second film. Et tout ça en 2h05, ouais, effectivement, ça fait beaucoup, quoi. Moi, je trouve un personnage qui est loupé, pourtant j'aime bien l'actrice, c'est le personnage de... Irène Adler, je trouve qu'il est... Alors, peut-être aussi parce que je compare trop à la série, hein, mais je trouve que ce personnage, normalement, elle, c'est quand même celle qui fait tomber Sherlock, c'est celle qui... alors, on pourrait se dire, le film, c'est pas grave, il prend parti d'en faire un autre personnage, mais du coup, je ne vois pas du tout son intérêt dans le film à elle. Et là où dans la série, je trouve... il faut trouver le personnage. Ouais, mais je trouve, je le trouve assez ridicule. Je le trouve assez ridicule dans le film. Là où dans la série, le personnage était envoûtant et tu sentais qu'il déstabilisait Sherlock. Là, j'ai trouvé dommage en fait l'écriture de ce personnage qui finalement, t'as l'impression qu'il est puissante, mais quand même, faut qu'il la sauve. Donc on te fait une scène qui sert à rien de 10 minutes pour la sauver, où il réfléchit de comment il va faire effondrer le faux plafond. Ouais, je pense qu'il y a plein de... Ouais, mais je trouve qu'il y a plein de... C'est loupé, du coup. C'est pas très moderne, ça, dans le... Ah oui, non, carrément. Ils ont voulu moderniser le personnage, et inversement, ils tombent dans des clichés. Ouais, c'est pour ça que je dis, je trouve qu'il y a quand même des bonnes intentions, mais plein de maladresses, et à la fin, bon, voilà, il y a une musique sympa. Moi, j'ai trouvé, enfin, je sais pas vous, que les acteurs, quand même, sinon... les deux principaux s'en sortaient bien. Enfin, j'ai trouvé que leur duo marchait bien. Oui, je suis d'accord. Oui, ça marche. Ils font avec ce qu'ils ont, mais ils font, je pense, le mieux. Et j'ai pas eu de soucis avec leur jeu, quoi. Enfin, franchement, c'est pas ça le problème du film. Je trouve qu'ils jouent plutôt bien. Le couple marche pas mal. Enfin, non, franchement, ça passe. Bah, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une complicité malgré tout. Leur regard, leur truc. Je peux te dire qu'on voit quand même beaucoup de films où tu sens que les acteurs, ils en ont rien à foutre. Là, t'as l'impression... Je sais pas, ils dégagent leur duo, moi je trouve, dégagent quelque chose. Ils se sont fait plaisir, peut-être. Ouais, je sais pas, Robert Downey Jr., là tu lui mets une armure sur le dos, il joue les mêmes scènes avec les mêmes regards, les mêmes intentions, c'est pareil, il joue du Robert Downey Jr., quoi. Ouais, mais il joue bien Iron Man, malgré tout. Enfin, on peut critiquer Avengers, mais il joue bien ce personnage, malgré tout. Ouais, moi je trouve que vous êtes dur avec les acteurs. Moi, j'aimerais bien que dans beaucoup de films, les acteurs soient aussi bons que Robert Downey Jr. et... Je préfère Robert Downey Jr. dans Tonnerre sous les tropiques, personnellement. Oui, non, mais là, ok. Mais... C'est pas comparable, quoi, je sais. Mais... C'est pas comparable, non, effectivement. Non, mais moi, je sais pas, j'ai trouvé que le personnage marchait bien. Mais peut-être moins en tant que... Mais d'ailleurs, le film ne le vend pas comme ça, mais en tant qu'autiste, un peu. Parce que dans la série Sherlock, c'est plus un autiste, Sherlock. Mmh. Alors que là... Sherlock, je trouvais, par exemple, tu vois, alors c'est difficile de comparer parce que la série, dans l'absolu, est sortie après. Hein, donc... mais c'est là où elle a quelque part ça marchait dans la série. Je trouvais que le binôme fonctionnait franchement mieux, où t'avais vraiment Sherlock qui emmerdait Holmes, enfin tu vois. Et d'ailleurs je crois que le mariage de Holmes vient plus tard, c'est la, je sais plus quelle saison, c'est la troisième saison en fait. Ouais, c'est trois, c'est la saison 3, ouais, c'est ouais, ce qui fait qu'on a eu le temps de, même si on connaît ces personnages, alors c'est une série, c'est développé, oui, mais là tu parles pour moi tu parles d'écriture de personnages et je suis d'accord avec toi. Là je parlais des acteurs, je trouve que les acteurs, avec ce qu'on leur donne, Bah, ils s'en sortent très bien. Après, effectivement, je suis d'accord, l'écriture... Ça aurait pu être pire avec ce qu'on leur a... C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça va. Ils ont eu une mention honorable. Bon, du coup, on a fait à peu près le tour des avis. Est-ce qu'on va passer à vos scènes marquantes, soit en positif, soit en négatif ? Allez, on démarre par... Allez, Antoine, ce coup-là. Oula, moi, ma scène marquante, franchement, c'est... j'en ai toujours dans les films, j'essaie toujours, mais alors là, qu'est-ce que... Attends, Sylvia, vas-y, c'est ton film, je reviendrai après. Non, c'est moi qui donne la parole, donc Pierre. Bah moi, je l'ai déjà dit, c'est la scène d'explosion sur le bord, enfin sur le bord de l'eau, là où il y a tous les tonneaux qui explosent. Machin, mais en négatif, du coup. En très négatif, du coup. Et sinon, cette une scène, scène positive en, Scène positive. J'aurais du mal à en trouver une précisément. Peut-être, alors... Finalement, la scène de combat contre le gros balourd là, qui a fait le tour, ils sont partis du labo bizarre jusqu'au port où ils sont en train de construire un bateau. Bah, elle m'a pas déplu cette scène-là. Je sais pas pourquoi. Ouais, celle-là m'a pas dérangé. Mais voilà. Si je devais être positive, ça serait celle-là. Positive. Alors, j'irai malgré tout le combat de boxe au début. Parce qu'en plus, t'as encore plein d'espoir sur le film. Et puis, ça te vend un personnage qui est hyper fort et sur lequel on peut être un peu déçu par la suite. Négatif, donc globalement, moi, c'est les scènes avec effets spéciaux et notamment sur le Tower Bridge en construction. C'est quand même vraiment moche, quoi. C'est vrai. Ça y est, moi, j'ai pas ça. Toi, Antoine, vas-y. En fait, en positif ou en négatif ou les deux? Non, c'est une scène qui m'a fait... C'est une scène qui m'a fait poser une question. Aussi. Non, c'est une scène qui m'a fait poser une question. Donc, c'est ni positif ni négatif. C'est quand il y a le groupuscule un peu à la MMA, là. Vous savez, on les aura, là, où ils veulent faire passer l'ordre de... Black, je sais pas comment il s'appelle, il doit devenir le nouveau méchant en fait. Le nouveau chef. Ah, au début espèce... Au tout début? Non, au milieu. Non, c'est là, un peu au milieu. L'espèce de confrérie en fait. Ah, il y a l'autre d'accord. qui brûle, c'est ça là? Ouais, c'est ça, ouais. Cette confrérie secrète où ils veulent diriger le monde. Et en fait, en voyant cette scène là, je me suis dit, est-ce qu'il y a un bon film où il y a un groupuscule secret qui veut diriger le monde? Est-ce que ça a déjà produit un bon film? La 9e et porte. Et j'étais incapable d'en trouver un, en fait. Il y a bien la 9e porte. Mais je ne connais pas, je ne l'ai pas vu. C'est avec Johnny Depp, là, on est d'accord? Ouais, c'est Johnny Depp. Polanski, ouais. Non de Polanski, ouais. Non, ouais, mais j'ai aucun. Je pensais à un James Bond, mais j'aime pas les James Bond. Ouais, ouais. Bah, tu regarderas la 9e porte. Et Austin Powers, peut-être. Toi qui aimes bien. Bah, ouais, on a retrouvé Pierre, alors. Alors, c'est vrai que Pierre. Bon, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas présenté, mais. Est capable de parler du film indépendant que personne n'a vu, Primeur, et en même temps d'un Adam Sandler. Alors c'est l'histoire d'un mec qui vend des fruits et des légumes, et ça fait le film le plus tordu de l'histoire. C'était le grand écart de la critique, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est cette scène-là qui t'a marqué, toi? Bah, ouais, parce que je me suis posé une question en la voyant, mais après, sinon, je dois avouer que la réalisation m'a pas transcendé. Si, ça y est, je l'ai. Une scène rigolote. Mais même pas, non. C'est juste qu'à un moment, on voit un carton, vous savez, où il y a écrit haut et bas. Alors, c'est écrit up, je crois, avec une flèche vers le haut, en gros plan à l'écran. Et là, à ce moment-là, la caméra se recule et en fait, l'image est inversée. Je sais pas si... Ouais, c'est ce que j'ai dit au début. C'est là que je disais que je trouve qu'il avait fait un effort de réalisation sur 2-3 scènes comme ça, soit des reflets, soit des inversions de caméra, où il s'était amusé un peu. Mais bon, voilà, sinon, c'est très pauvre pour moi. Et toi, Seb? Eh ben moi, la scène marquante que j'ai bien aimée, et finalement le film, il n'y est pas du tout le reste du temps, c'est Sherlock qui décrit la nouvelle copine de Watson. Où en fait, Watson, elle le pousse à faire son analyse. Watson sent que ça va tourner au vinaigre, et j'ai trouvé que c'est la meilleure scène du film, parce que c'est une scène où j'ai trouvé, moi, une tension, parce que finalement, elle part de... Ça, c'est un peu comique. Et finalement, ça finit, je ne vais pas dire en drame, mais ça finit quand même mal. Et j'ai trouvé que c'était super bien joué et aussi super bien analysé. C'est-à-dire que lui, il a presque un tox, c'est-à-dire qu'il ne sait pas s'arrêter et il est dans l'analyse, il la pousse jusqu'au bout, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. C'est juste, pour moi, ce qu'est un peu le personnage de Sherlock, c'est-à-dire sur des détails, il va tout de suite tirer des conclusions, quitte un peu à se foirer sur un sujet, mais en tout cas, il a quand même une capacité d'analyse. Et capable de faire un dégât énorme. Donc moi, franchement, je trouve cette scène vraiment excellente. Cette scène est bien, et en plus, je trouve que c'est une des rares scènes qui m'a fait penser vraiment à la série en positif. On me disait, tiens, cette scène-là, t'aurais pu l'avoir dans la série, en fait. Je trouve presque identique. Donc moi, cette scène, je l'ai beaucoup aimée, et Après, dans ce que j'ai moins aimé, ouais, c'est pareil, c'est Tower Bridge notamment. J'ai trouvé que c'était un peu ridicule, la scène de fin. Ok, et eh ben du coup on a fait un peu le tour de notre avis. Alors maintenant il va falloir le classer ce film. Hein, donc alors, je suis plus un spécialiste. Et eh ben est-ce qu'en gros ce film tu le recommanderais non. sur smartphone, à la télé, en Blu-ray ou au cinéma? Dans la poubelle. Et en fait hein, sinon smartphone on avait dit dans l'avion. Ouais. Bah, base, dans l'avion, très bien dans l'avion, ouais. Je l'ai recommandé dans l'avion. Ouais. Non mais on avait dit dans l'avion, mais comme il y a le Covid qui est arrivé entre temps. On s'est dit, il n'y a plus d'avion. Bah dans les toilettes, alors, si tu veux. Sur smartphone. Donc, tu le recommandes dans l'avion ou pas du tout? Quand même dans l'avion, t'arrives à le recommander. Dans l'avion. Ouais. Quoique, dans l'avion, si l'éclairage de l'écran est pourri, tu verras peut-être pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. On n'a pas précisé l'avion. Hein. T'es peut-être dans un EasyJet où il n'y a même pas d'écran. Donc, c'est cas dans l'avion. Alors, à toi, Sylvia. Je pense que à la télé, c'est bien payé. Antoine. Donc juste un peu au-dessus de... Moi, smartphone. Donc l'avion, le smartphone. L'avion, donc, sur un écran cassé. Et toi? Moi, je vais rejoindre Sylvia, ce que je vous trouve un peu dur. C'est je... pas en très bel HD parce que ça va sortir les effets spéciaux moches, mais à la télé, c'est sympa. Tu tombes avion, dessus. Avion, c'est mieux que le smartphone quand même. Ouais, c'est un peu pareil. Ouais, t'es arrêté toutes les 30 secondes. Est-ce que vous voulez un café? Monsieur, remettez votre masque. Il y a main qui pleure. Nous traversons une turbulence, ouais. Merci nanana. Bah moi aussi, regarde Sherlock, c'est une grosse turbulence. Donc voilà, l'avion ou le smartphone, je sais pas. Donc en gros, bah, ça démarre bien cette nouvelle saison, donc deux télés, deux... Merci pour cette grande recommandation, j'étais parti à un long moment, et puis je reviens pour ça, donc voilà. Voilà, donc, bienvenue Pierre. L'avantage c'est qu'on ne pourra faire qu'une belle saison après ce film. Du coup, bah, on a fait le tour du film, maintenant on va revenir, et c'est surtout Sylvia maintenant qui va parler, enfin... Voilà, on a parlé des quelques qualités, des nombreux défauts. Que veux-tu garder de ton film pour le début de notre projet Netflix sur lequel nous misons énormément de sous? Parce qu'on a l'intention de faire un blockbuster comme on n'en a pas vu depuis un paquet de temps. Donc, Sylvia, que gardes-tu de ton film? Donc, quand même, si tu pouvais garder un peu de positif. Parce que j'avoue que j'hésite entre deux choses. Alors, on peut t'aider dans ce cas-là. On peut voilà, t'aider, je vous donne les deux. Voilà. Donc Robert Downey Jr., qui était quand même la raison du choix de ce film à la base. Et donc là, ce serait l'acteur principal. Et l'autre option, ce serait de choisir le thème du film qui serait un Sherlock, en fait. Ah, une enquête, on va dire, plutôt, alors, non? Parce que Sherlock, tu resteras vachement. Hein. Attends, Netflix, il faut qu'ils achètent les droits du nom, ça leur coûte cher. Ils ont fait Arsène Lupin, s'il te plaît. Donc je pense que Sherlock... Non, ils ont fait Lupin. Donc là, on peut faire une série qui s'appelle Holmes, si tu veux. Sherlock Holmes. Attends, ils ont pas fait Netflix, ils n'ont pas fait un film sur la sœur ou la cousine de Sherlock? Ah si, je l'ai vu, c'est la... Enora Watson, Enora Holmes. Enora Holmes, c'est ça. Pardon. Qui est très mauvais avec Henri Cavill qui joue Sherlock Holmes, c'est une catastrophe ce film. Je vous le déconseille. Je l'ai fait en repassant, et ben je préférais repasser que lever ma tête et regarder la télé. Nouvelle notation, regardez ce film, recommandez-vous ce film, repassez. C'est bien comme recommandation, ça va. C'est pas faux, on pourra le rajouter à terme. Alors, et ben moi, Sylvia, je serais plutôt partant de garder Robert Downey Jr. en ce qui me concerne, et vous les autres? Alors ça dépend, ça serait Sherlock ou juste enquête du coup? Parce que si c'est que Sherlock, non. Si c'est enquête tout court, pourquoi pas? Ouais, donc, pareil. Un policier, donc ce serait un policier. Non, bah non, moi mon truc c'était Sherlock. Ah donc dans ce cas-là, bah non, bah, c'est Robert Downey Jr. Que si je regarde la tâche que tu t'es fait et qu'il y a sur ton t-shirt, je suis capable. Ouais, de c'est ça. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est vachement. Quoi qu'un Steven Seagal qui joue un Sherlock, je pense qu'on tiendrait un concept extraordinaire. On est pas mal. Avec toi, Antoine. Moi je préférais qu'elle prenne Robert Downey Jr. parce que moi je voulais proposer, je voulais lui mettre un acolyte. Non mais ça après tu feras dans ton film, là on demande un premier élément de la production. Je préférais l'acteur parce que je trouve que Sherlock c'est trop réducteur. Enfin, ouais. Donc on reste sur Robert Downey Jr. Ouais. qui en plus a l'avantage de pouvoir jouer à peu près tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Donc voilà. Donc nous avons notre premier élément de notre super production qui est d'ailleurs souvent la base de Netflix, c'est un grand nom. Voilà. Après, on n'a pas dit une grande histoire, mais on démarre bien. On est dans le cahier des charges, c'est-à-dire un grand nom. Voilà. Qu'on va pouvoir balancer, mettre en plein écran. Voilà. Bon. Eh ben, merci Sylvia de ce premier rapport. Il n'y a plus qu'à. On est bien parti. C'est bien parti. Et ben voilà. Je ne sais pas ce que ça peut donner, hein, ce. Bah on verra. Et du coup, pour la prochaine fois, faut faire comment on doit trouver le prochain film par rapport à ça. Alors c'est pas un prochain film, c'est il faut maintenant qu'on a un acteur, il va falloir soit un scénario, soit une époque, soit un réalisateur, il va falloir affiner maintenant notre film. Donc le prochain, c'est peut-être Pierre d'ailleurs, non? On va... Oui, je pense, plus comme il revient. C'est bien que ce soit Pierre, comme ça, t'as le champ libre. On peut faire un tirage au sort, si vous voulez. Du coup, faut que ça soit un film qui est sur Netflix pour rester dans le thème ou... Non, pas forcément. Par exemple, je sais pas, tu veux qu'il y ait des explosions partout, tu prends un Michael Bay et tu en tireras les explosions, donc Robert Downey Jr., ça pètera de partout. Bon, ok. On n'aura pas avancé beaucoup, on pourra dire, tiens, c'est un Marvel ou pas, enfin voilà, il faudra qu'on affine. À quel moment après, on essaie de trouver une histoire, quand même? Ah bah à la fin, une fois qu'on aura tous les ingrédients, Netflix marche comme ça, l'histoire sort à la fin. Non, parce que sinon je vais essayer de trouver un film avec une histoire, comme ça on prend l'histoire. Ah non, et le seul truc qu'on peut pas prendre c'est l'histoire. L'histoire elle arrivera à la fin, c'est-à-dire qu'on devra écrire cette histoire avec tous les éléments, mais l'histoire ne doit surtout pas dicter la production du film, sinon vous faites capoter la moitié des productions Netflix. On rappelle que l'histoire va tenir sur un post-it, donc bon. Exactement. D'accord, d'ailleurs, on a totalement Netflix, libre mais... sur le film. Totalement, pour en extraire quelque chose. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, ça m'a fait rire qu'on parle de notre projet, parce que, alors j'ai pas vu le film, mais j'ai entendu parler du film de Chris Pratt sur Amazon Vidéo, là, où en gros, ils ont repris un peu le concept de Tom Cruise qui vivait en boucle temporelle. Ils ont pris Chris Pratt, c'est-à-dire que, pareil, Tom Amazon Cruise, se met Tom à faire Cruise du Netflix, c'est-à-dire... C'est quoi, ça? Tu sais, c'était comme le film un peu jeu vidéo, là, où t'es, dès qu'il mourait, il refaisait Edge of Tomorrow. Ouais. Et ben finalement, Amazon commence à faire du Netflix, c'est-à-dire ils prennent une tête d'affiche, Chris Pratt, derrière, c'est quoi qui avait pas trop mal marché une fois, où il n'y a pas vraiment de droit d'auteur et tout, ah ouais, le truc de boucle temporelle, ouais, Terminator, tac, ils ont battu une histoire qui se fait défoncer par tout le monde, mais en attendant, c'est le plus gros succès de Amazon cet été, nanana. Donc je pense qu'on a, on a du potentiel, on a du potentiel. Donc nous, on a juste l'affiche. En haut de l'affiche, Robert Downey Jr. Exactement. Attends, il y avait bien Belmondo qui vendait des films. Lui, il n'y avait que écrit Belmondo. Et tu voyais sa gueule à l'affiche et voilà. Seagal aussi. L'affiche. Rappelez-vous, Steven Seagal. Il n'y a que Seagal. Non, mais ça, on ne peut pas l'oublier, Seb. On construit l'affiche comme ça au fur et à mesure. On rajoute les noms un peu partout. Exactement. Genre, on met Robert Downey Jr. On met un scénario, une musique de Hans Zimmer. Exactement, rien, par exemple. Une photographie de je ne sais pas qui. Il n'y en a pas en second rôle, en second reel, je ne sais pas qui. Ok, pas très besoin bien. De. Moi, je lui mettrais bien, je ferais bien un binôme avec Mathieu Amalric. Robert Downey Jr. et Mathieu Amalric. On va arrêter là. Il faut y aller étape par étape. Savourons déjà, on a une tête d'affiche. Voilà. Déjà là, on peut faire de la communication. On peut tweeter 2023, le plus gros succès de Netflix arrive. Robert Downey Jr., tête d'affiche. Voilà. Maintenant, il faut laisser un peu savourer les gens. C'est le teasing. Voilà. Il faut laisser la tension monter toute seule. Exactement. L'envie. Et peut-être. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de scénario, envoyez-les aussi. On ne sait jamais. Parce que pour l'instant, on n'en a pas la moindre idée. Voilà, et ben avant de nous quitter, est-ce que vous avez une recommandation, quelque chose qui vous tient à cœur? J'ai regardé cette semaine le dernier Dupontel, Adieu les cons. Ah ouais. Que j'ai vu disponible en VOD là. Et j'ai beaucoup aimé. T'as aimé toi? J'ai trouvé beaucoup de défauts surtout. J'ai trouvé quelques qualités de réalisation, mais j'ai été grandement déçu. Moi je l'ai vu avant les Césars, comprends pas que ce film il ait eu autant de récompenses. Quoi. Par rapport à Au revoir là-haut, on est quand même un cran, mais largement en dessous, hein, sur plein de sujets. Quoi. En fait, moi ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que c'est pas du tout réaliste, sauf que comme c'est pas réaliste, il se permet des rêveries, il se permet des petits actes que j'ai l'impression qu'on voit plus tellement dans les films, parce que maintenant tout est inspiré d'histoires vraies, donc faut pas sortir des clous. Et là, comme genre c'est... Avenger, quoi. Non, mais tu vois, genre, il y a une course-poursuite, c'est un road movie avec un aveugle, tu vois, par exemple, il y a des gags avec l'aveugle, mais des gags que j'ai déjà vu 15 milliards de fois et qui me faisaient rire, et je trouvais qu'il arrivait à amener une fraîcheur, qu'il arrivait à amener un plus. Je trouve que ça avance, mais tout le temps, il n'y a pas de temps mort. Le seul petit bémol que je ferais, c'est à la fin, où c'est beaucoup en images de synthèse, c'est moche. Là, on est du niveau de Sherlock, hein. C'est vraiment pas beau. Mais cette histoire qui se suit, là, ces deux personnages, Virginie Efira et Dupontel, là, qui jouent aussi dans le film, aidés de cet aveugle-là, qui est rigolo. Puis il leur arrive plein d'aventures, et il ne faut pas chercher quelque chose. Je trouvais que c'était très cliché, moi. Toi. Autant j'ai trouvé la réalisation géniale, c'est-à-dire que les mouvements de caméra, c'est génial. Il est inventif. À un moment, ils tournent dans l'escalier en colimaçon, oui. T'as la caméra qui tourne. Ouais. C'est ridicule. Ou à un moment, ils ouvrent plein de placards, tiroirs dans les archives. Tout ça, c'est super bien filmé. Par contre, moi, l'histoire, je l'ai trouvée, mais d'un cliché. Puis alors, faut avoir le moral, hein, quand même. Hein. Je suis désolé si on a un peu. La fin. Ouais, non, mais au-delà d'être triste, ouais, c'est sombre, plus que triste, je trouve. Mais moi, j'étais déçu. Moi. Avant, j'avais l'impression de voir des petits films quand je regardais les films de Dupontel. Alors, des petits films avec rien de péjoratif, mais je voyais pas d'ampleur, je voyais pas de. Je vais pas dire de panache parce que les films me plaisaient. Mais je trouve que là, ouais, il a gravi une étape et je peux comprendre, ouais, que les Césars l'aient récompensé. Je trouve qu'en tant que réalisateur, ouais, il a vraiment quelque chose de plus en plus intéressant. Enfin, alors c'était déjà quelqu'un à suivre, mais je trouve qu'il, voilà, là, il a franchi une nouvelle étape. Donc ouais. Adieu les cons, toi Sylvia, une petite un truc non que t'as lu, que t'as vu Eh ben en ce moment, on regarde la série Le Choc des Titans. Ils en ont fait une série aussi. Le dessin animé. L'attaque des Titans, tu veux dire. Ouais, voilà. C'est presque ça. Enfin bref, il y avait Titans dedans. Ah. Et on est sur Netflix, ils ont un peu changé le découpage des saisons, donc on est à la 4, mais qui est en fait la deuxième partie de la 3, je crois, dans l'animé. Non, c'est la 2, je crois pas qu'ils aient changé, hein. Je crois que c'est vraiment en 2. Si, c'est la 3, si, c'est la 3 qui est coupée en 2. C'est la 3 qui est coupée en 2. Dans Netflix en tout cas. Ouais, et du coup, j'aime vraiment bien, même si la première saison avait mis un peu trop de temps à démarrer, enfin il se passait pas grand chose. Je trouve que les saisons 2 et 3 sont vraiment bien. Alors c'est pareil, c'est pas non plus la fête. Hein. On regarde pas ça pour se marrer. Ouais, j'ai hâte de voir la série, fin. Hein. Et j'espère que je serai pas déçu. C'est marrant que tu. Enfin, ça m'étonne. Ça m'étonne que tu recommandes ça. C'est vrai que c'est pas. Je trouve que c'est. Moi j'aime bien, mais c'est pas un animé. Je trouve qui est si grand public. C'est plus pour les gens qui. Enfin, en tout cas, je trouve que c'était plus pour les gens qui aimaient vraiment bien les animés. Parce que pour le coup, c'est. C'est surtout de l'anime. Enfin, tu vois vraiment des très belles animations. Je trouve que t'as 2-3 épisodes qui ont une animation qui est juste 3D, ahurissante. En fait, t'as 2-3 scènes. La scène de combat dans la ville. Alors, je crois que tu auras déjà passé cette scène-là. Où t'as le petit. Je me rappelle plus les noms. Le petit très, très fort de l'escouade. Dans les vieux de l'escouade, celui qui est très fort, qui se fait pourchasser par d'autres. Le blondinet, là. Qui est absolument génial, cette scène-là. Elle est absolument géniale. Ça dure 15 minutes, ça enchaîne dans tous les sens. Vraiment un animé d'une super bonne qualité, je trouve, en fait, visuellement parlant. C'est vraiment très, très, très bien fait. En fait, j'avais entendu sur Inter, là, cet été, il y avait une émission Blockbuster. Ah, j'aime bien cette émission. Bah, ils ont fait une émission sur Le Choc des Titans. L'attaque. C'est un film Choc des Titans qui est tout pourri. Ouais, c'est vrai. Et non, mais il y avait toute une émission là-dessus. Moi, je l'avais écouté. On n'avait plus grand-chose à regarder, en fait, avec Sylvia. Et donc, je lui ai proposé, je fais tiens, on devrait essayer ça, en pensant pas qu'elle adhérait, parce que c'est vrai que c'est violent. Hein, puis c'est assez sombre aussi. Hein. Ouais, parce qu'on m'a dit que c'était le Game of Thrones de l'anime. Alors, je sais pas si c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, ils crèvent tous, hein, c'est sûr. Ah, le héros, il crève pas. Pas encore. Moi, je te dis, le seul bémol que j'ai pour l'instant, c'est la saison 1, qui est trop, trop longue à démarrer. C'était la première fois qu'on me disait non, mais attends la saison 2, attends la saison 2. D'ailleurs, sur la saison 1, il y a des épisodes que j'ai pas vus tellement ça me saoulait. J'ai regardé la saison 2 en y allant à reculons, mais dès le premier épisode, j'ai fait ah, ok, d'accord. Et après, ça part et ça s'arrête jamais. Hein. Donc, l'attaque des Titans. Et toi, Pierre, un truc en ce moment? J'ai essayé 2-3 trucs que j'ai pas aimé, donc j'ai pas vraiment de recommandations de série. J'ai regardé des films. Forcément série. J'ai regardé des films alors qui sont pas des trucs récents. J'en ai plusieurs, donc je peux en dire un. J'ai dû voir ça sur Canal Plus, il y est peut-être plus par contre là. Ça s'appelait I See You. Ça mêle deux parties en fait. Une partie un peu paranormale, slasher movie, genre Halloween. Et l'autre partie, c'est une enquête policière un peu plus pose, enfin avec quelques petits rebondissements. Et je trouvais que ça marchait vraiment bien. Et ce que j'ai aimé justement, c'est en plein milieu du film. Le film il bascule totalement, genre ça devient presque le jour et la nuit, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien dans ce film en fait. T'as une première partie, je me suis dit non mais c'est ennuyant comme film, c'est du déjà vu, c'est toujours pareil, et paf, au milieu du film, changement total d'ambiance, en très positif, c'est ça que j'ai aimé en fait dans ce film, c'est pour ça que je le recommande. Enfin voilà, si vous aimez les enquêtes policières, si vous aimez un peu les slashers mais pas trop, enfin les films un peu suspense. Il a l'air d'avoir eu des prix ton film là. Ah bah peut-être, écoute, hein, je sais pas. En tout cas moi j'ai bien aimé. Ça s'appelle I See You. Ça me donne envie. En plus, 1h36, c'est bien. Ah oui, c'est un petit film. Bah ça, quand t'as des enfants, après, c'est le genre de durée de film que tu vises, en fait. Alors, seul point négatif, il y a Helen Hunt dedans. Et j'étais très déçu d'Helen Hunt parce que le film est très récent. Donc, elle était très, très refaite du visage et c'est très moche. Mais à part ça, regarde pas ça. Le reste du film est bien. Ouais, bah écoute, ça a l'air sympa comme film. Regarde, Ouais, toi, okay. Quelque chose. Et puis moi, bah finalement, j'attendais énormément Dune et le film, je pense, de l'année. Enfin, peut-être que d'ici la fin d'année, il y aura un autre film qui me marquera. Mais j'ai pris une baffe, mais comme rarement au cinéma, c'est Bac Nord. Ah ouais. J'ai été le voir tard en plus, parce que j'en avais entendu parler cet été. Sur fond d'ailleurs politique, bon, c'est pour ça que j'avais pas trop envie de le voir. Le truc, est-ce que c'est pro-flic, est-ce que c'est pro-banlieue et tout. D'ailleurs, je trouve que ceux qui. À nouveau. J'ai l'impression qu'à chaque fois, les gens qui parlent du film, ils l'ont pas vu, en fait, mais ils se basent sur des avis. Parce que quand on va voir le film, il est surtout très dur avec la hiérarchie. C'est quoi la hiérarchie dans notre pays? Et finalement, c'est ni pro-flic, ni pro-banlieue, évidemment, ça se place du point de vue des flics. Mais en tout cas, dans la réalisation, l'ambiance, mais j'avais le cœur qui battait, mais comme jamais, je suis impressionné que ça soit un film français. Enfin, c'est presque un film d'action, là, par certains moments, ce film. La réalisation, elle est parfaite, les acteurs sont parfaits. Moi, j'ai souvent du mal avec les acteurs français, je trouve qu'ils surjouent, ou j'ai l'impression de voir du théâtre ou de la comédie française et tout. Parce qu'il y a qui dedans? Il y a Lelouch, c'est ça, j'avais vu, il y a qui d'autre? Il y a Lelouch, il y a François Civil, et le troisième acteur, je le connaissais pas, j'ai perdu son nom. Et puis celle qui joue la femme aussi, elle est connue, c'est Adèle Rastapopoulos, là, comme dans Tintin, là, j'ai plus là, un nom comme ça. Et franchement... Franchement, ça a été une baffe, mais monument. Je suis sorti de là. Il y a une scène d'attaque. C'est hallucinant. Moi, franchement, j'ai halluciné. J'étais fier. Alors, pas forcément en me disant, j'espère que c'est pas trop comme ça dans la réalité, parce que ça fait peur. Mais j'étais fier que le cinéma français sache produire une scène de cette intensité-là. Enfin, je me dis, là, pour moi, on devrait le montrer dans les écoles de cinéma français. Comme le braquage de banque dans Hit, quoi, pareil. Honnêtement, c'est quoi? J'ai pris un plus gros uppercut dans la scène de Bac Nord. Ah ouais, d'accord. C'est à la tension. Non, mais c'est... Franchement, c'est une réussite totale, cette scène-là. Et pas que cette scène-là. C'est-à-dire que le film, il est en trois parties. La partie du milieu, c'est cette scène d'action. La dernière partie, elle est très psychologique. Et la première, elle pose les persos. Bon, j'ai trouvé tout réussi, quoi. Donc, franchement, je pense que ça sera mon film de l'année. C'est peut-être un peu trop tôt, mais en tout cas. Je sais pas si j'aurais du plaisir à le revoir parce que c'est un film qui est quand même il est pesant, mais quelle claque de cinéma quoi. Franchement, bravo à la réalisation. C'est celui qui avait fait La French oh, oui. Que j'ai trouvé qu'il était sympa La French, mais là il a passé un cap en tout cas, et bravo la direction d'acteur. Ça me donne envie du coup. Ouais, ah, franchement, aussi, ouais. Ah ouais, c'est bah, accrochez-vous dans le siège hein. mais le film il est intense, tu vois pas, je sais plus, il dure 1h50, un truc comme ça, enfin tu vois même pas passer quoi. Bon, bah, on a fait le tour de nos petits avis. Voilà. On va se dire au revoir. Et puis, on se voit le mois prochain, normalement, avec un film du coup de Pierre. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des idées sur Twitter. Alors, on veut pas des scénarios trop complexes. C'est hein, le poissonnier, hein, le film. C'est le poissonnier. La dernière fois, c'était le primeur. Là, c'est le poissonnier. tu trouves ce que tu veux. Tu es libre. Très bien. Avec la contrainte qu'on ne pourra pas prendre l'acteur principal. Tu peux toujours nous prendre une actrice, hein, parce que pourquoi pas faire un duo. Il y aura peut-être un film solo à voir. Hein. On décidera quand on s'arrête. Acteur, alors. Ah non, on en a déjà. On a Robert Downey. Ou alors ça sera la voix off. Robert Downey Jr. fait une voix off pendant tout le film. Pourquoi pas. Un film avec des animaux, c'est très bien. Parce qu'il coûtait peut-être trop cher à l'image, donc on a son nom, mais on prend que sa voix. Et en plus, si on se démerde bien... On va prendre un mec qui limite assez bien ce qu'il fait. C'est comme dans... Non mais pour info, dans Spider-Man, Iron Man est là, Robert Downey Jr. est là, mais en fait Robert Downey Jr. n'a filmé que 4 minutes de film. Mais tout le reste du temps, c'est Iron Man en image de synthèse ou un cascadeur qui a l'armure. Et du coup, il y a des petites subtilités pour pas payer trop cher un film. Regarde, attends, tu prends, imagine, t'en fais une voix off de Robert Downey Jr. Vous savez, par le marché américain, la voix off sur le marché français, tu mets qui? Omar Sy. Tu mets le doubleur. En Italie, tu mets l'acteur connu. Non, mais moi j'ai choisi l'acteur principal, je veux le voir. Ah bon, ah, madame est exigeante, on se pliera à la volonté. J'ai une idée, je mettrai l'incroyable en voyage avec les chiens là, et puis comme ça, ce sera la voix off de Jean Reno. Il fera la voix du chien. Vous voyez, c'est que le premier épisode et on a déjà beaucoup de perspectives. Voilà, et ben on vous dit à bientôt, et puis amusez-vous bien. Ciao. À la prochaine. Ciao. Salut. Détaisez-vous pour voir. Ah, c'est mieux.